Micro ouvert. Alors j'ai téléphoné à un compatriote qui habite ici depuis un bon bout de temps. Il vient m'accueillir quand même à l'aéroport. Et je lui demande la prochaine étape c'est quoi. Il me dit office des étrangers. J'ai dit c'est quoi ça office des étrangers. Je t'expliquerai, maintenant on prend d'abord les trains pour aller en ville. Et on arrive dans le train, je m'installe et africain que j'étais, en face de moi une femme européenne vient s'installer. Et j'oublie que je suis en Europe et moi comme en Afrique, j'ai dit directement bonjour madame. Elle sursaute, elle me dit vous me connaissez? Parce qu'en Belgique, pour dire bonjour à quelqu'un, il faut le connaître. Et moi qui viens d'Afrique, j'ai dit, mais comment vous connaître si je ne commence pas par vous dire bonjour? Alors je demande à mon compatriote, la prochaine étape, c'est quoi? Il me dit, office des étrangers. J'ai dit, c'est quoi office des étrangers? Oh, mais c'est un building avec des juristes. Hein? Tu vas là-bas et tu vas raconter ton histoire. Je dis, d'accord. Tu m'accompagnes? Oui, oui. Quand ça? Demain. À quelle heure? 5 heures du matin. J'ai dit, pardon? En Belgique, pendant l'hiver, à 5 heures du matin, les Belges sont déjà au bureau. Non, non, non, non, c'est nous aller avant pour être dans la file d'attente à un bon endroit. OK, les jours suivants, 4 heures du matin, on est déjà debout. Hein. Pendant l'hiver, je vous assure, il fait froid. Hein. Oh là là. Et on marche pour aller jusque-là. Et on y arrive. On croyait être le premier. La file est déjà longue. Oh là là, et on se met dans la file. On a l'impression que le temps s'arrête. 5 heures quart qui ne vient pas. 5 heures 30, une éternité. 5h45, 6h, 6h15, 6h30, 6h45, 7h, oh là là, ça n'en finit pas. 7h15, 7h30, 7h45, 8h. Alors vers 8h15, les Européens viennent lentement. Ils ouvrent leur bureau lentement. Ils tirent les rideaux lentement. Ils prennent leur café lentement. Et quand ils ont fini, alors ils nous ouvrent une porte. Nous entrons dans un grand hall. Au moment où on entre là-dedans, on est libre. Hein? Mais une fois qu'on est dedans, on n'est plus libre. Parce que derrière nous, ils vont fermer la porte à clé. Certains parmi nous sortiront avec des menottes au poing. Il y a un véhicule qui les attend dehors pour les amener au centre fermé, d'où ils seront expulsés manu militari, parfois avec un coussin sur les nez pour qu'ils ne crient pas. Et d'autres rentreront même dans un cercueil, comme ce fut le cas avec Semira Adamou. Et puis alors, on nous donne des numéros et nous allons patienter. Ils vont appeler numéro par numéro. Mais si au moins ils pouvaient appeler les numéros comme on a étudié à l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, si j'ai les numéros 100, je peux dire à quelqu'un, je vais dormir un peu. Si on s'approche de 90, tu me réveilles. Mais c'est pas comme ça qu'ils appellent. Vous savez comment ils appellent là-bas? Numéro 14, numéro 203, numéro 308, numéro 4, numéro 27. J'ai dit, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? On me dit, ah oui, ils sont spécialisés par pays. Si toi, tu es le numéro 1 et tu viens du Congo, et que celui qui écoute les Congolais n'est pas encore là, c'est pas toi qui passe. Hein? Ah, alors vous êtes sur les qui-vive tout le temps, sur les qui-vive de 8 à 17. Hein? Mais nous qui savons parler le français, ça va encore. Hein? Mais vous prenez quelqu'un de l'Europe de l'Est, pas un mot de français, pas un mot d'anglais. Il a le numéro 40 hein? Et il entend 52. Et lui, il va avec son 40. Il dit, toi, c'est 40, monsieur. Ah, d'accord. Et vous le voyez répéter comme un enfant. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Il a retenu. Et puis le temps passe. Et on appelle beaucoup d'autres numéros et il oublie son numéro. Un moment, alors plus tard, il entend 140. Et il va avec son 40. Mais toi, c'est 40, monsieur. Finalement, il est tellement perdu. C'est nous, les Africains, qui les aidons parfois en lui disant, monsieur, vous assis ici à côté de moi. Moi, écoutez pour vous. Quand lui appelez-vous, moi, dire-vous et vous allez là-bas. Ça va, monsieur? À ce moment-là, vous vous rendez compte comment la culture peut réunir les gens plus que la couleur de la peau, hein? Comment est-ce que la couleur... Non, comment est-ce que la culture peut réunir plus que la couleur de la peau? Comment est-ce que la culture peut réunir plus que la couleur de la peau? Ça laisse à méditer, ça laisse à réfléchir. Et qui c'est qui a dit ça? Eh bien, c'est Pichi Banda. Souvenez-vous, ce bonhomme, il a cartonné avec un spectacle, c'était son premier d'ailleurs, qu'il a créé en 1999, Un fou noir au pays des blancs, au cours duquel il relate l'histoire, son histoire. Et pose avec humour un regard critique sur la façon stéréotypée dont les Belges considèrent ses compatriotes. Ça a été un succès énorme qui a parcouru toute l'Europe francophone. Il est allé au Québec aussi et puis en Afrique. C'était en 1999, c'est important, il y a 17 ans de ça. Le temps passe à une vitesse de dingue. Alors je précise bien que je n'ai absolument pas vu le spectacle, hein, donc je ne sais même pas de quoi je parle, mais je parle de ce passage que vous avez entendu comme moi en introduction de cette émission sur l'Office des étrangers. Ben, j'avais envie de faire une remarque en fait sur le passage que j'ai pris là sur l'Office des étrangers. J'étais étonnée en fait d'entendre des gens se marrer là où moi je trouvais pas ça marrant. Bon, ceci dit, les gens sont libres de rigoler là où ils veulent, hein, mais je comprends pas très bien pourquoi c'est marrant alors que Peachy Manda dit vraiment des choses bien lourdes, quoi. Ça n'a rien de marrant. Donc voilà, c'est un point d'interrogation. C'est encore différent que de faire de l'humour. Je trouve pas qu'il fait de l'humour là en expliquant que vous parlez pas la langue, que c'est la galère pour retenir le numéro alors que vous parlez pas la langue, que vous devez vous lever à 5h du matin pour avoir une chance d'au moins mettre une procédure en route, parce que c'est horrible quand même. Quand il explique que les portes se ferment à clé à une certaine heure et qu'on met les menottes à des gens parce qu'ils vont aller en centre fermé, voilà, c'est vraiment ambiance glauque, quoi. Parce que je trouve qu'il le raconte pour du vrai, vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il ne la caricature pas, il raconte pour du vrai, quoi. Il ne la met pas en forme, donc c'est une vraie histoire, et je trouve ça pas marrant. Vous comprenez la différence entre quelqu'un qui fait un spectacle et qui va prendre dedans et machin, et vous savez, il y met ce qu'il a envie pour nous raconter des choses. Là, c'est pas la même chose, hein. Je sais pas si vous comprenez la nuance. En tout cas, que j'ai envie de faire comprendre, c'est que Peachy Banda raconte des vraies choses, et il les raconte assez rapidement d'ailleurs, hein, blablabla, blablabla, et hop, tatatati, tatata. Mais c'est vrai, quoi, donc c'est pas marrant. Je comprends pas très bien le... Mais bon, ça a été dit comme un spectacle humoristique, c'était peut-être l'intention de rester léger avec tout ça, alors qu'au fond, c'est des choses bien lourdes qui se passent quand même. Et c'est peut-être... ça, c'est vraiment de la pure interprétation de ma part, ça veut dire que ce n'est pas... Ce n'est pas forcément vrai, donc c'est moi qui interprète ça, mais peut-être à force de le minimiser, de le rigoler comme ça, de le prendre à la légère. Mais évidemment que ce soit chouette, que ce soit pas plombant non plus, ni lourd, extra lourd, vous savez que vous savez plus marcher un pas devant l'autre, donc il y a quelque chose de chouette là-dedans, mais est-ce que cette manière de rire à des endroits où c'est vraiment pas marrant, c'est peut-être aussi le décalage entre ce que les gens peuvent vivre, justement, entre ceux qui sont étrangers, qui parlent pas la langue, qui ont pas leur papier, et ceux qui sont installés dans leur confort et qui se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont à avoir des papiers, par exemple. Comme moi-même, par exemple, je ne me rends pas compte, évidemment, de cette carte d'identité que j'ai dans ma poche. Je ne me rends même pas compte de la chance que j'ai, de toutes les potentialités que je peux avoir avec ces papiers. Évidemment que je ne m'en rends pas compte. Parce que c'est un droit comme respirer, quoi. C'est un droit très basique d'être humain sur la Terre, quoi. Bon, c'est là un peu un fossé, quoi. Bon, ce fossé, aujourd'hui, en 2017, il est énorme avec tout ce qu'on sait. Et puis aussi, ce fameux secrétaire d'État fédéral à l'asile et la migration, chargé de la simplification administrative, qui est en fonction depuis le 11 octobre 2014, c'est bien entendu Théo Franken. La vidéo détourne une publicité d'une célèbre marque de soda. On y voit le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Théo Franken, envoyer au loin dans la mer un homme de couleur. Le slogan « Tolérance zéro ». Si Théo Franken a rapidement supprimé la vidéo de son compte Twitter, les réactions des partis de la majorité à qui l'on montre la vidéo oscillent entre « aucun commentaire ». J'ai pas encore vu et donc je vais certainement pas commenter quelque chose que j'ai. Vous la voyez maintenant. J'ai pas vu en détail. Et condamnation. C'est posté par qui ça? Théo Franken. C'est pas de très bon goût. En tout cas, c'est pas le mien. Merci. Du côté de l'opposition, les dérapages de Franken exaspèrent. Il y en a marre de cette banalisation du racisme au plus haut niveau de l'État. Ce monsieur n'a pas sa place dans un gouvernement. Via un communiqué, Théo Franken regrette que les politiciens aient perdu le sens de la relativisation. La critique de l'opposition sur ma politique est particulièrement faible. On choisit alors de s'en prendre à la personne. Il y a un an, Théo Franken créait la polémique en dénonçant les migrants qui refusaient de loger dans les centres d'accueil mis à leur disposition. Que voulez-vous que je fasse de plus? Il faut leur offrir l'hôtel peut-être? Un nouvel épisode d'un feuilleton qui, pour certains, dure depuis trop longtemps. Petite recherche sur le net, mais sans vraiment faire de la recherche, ça veut dire que je cherche même pas. Je trouve comme ça, première page, Theo Franken, il est né le 7 février 1978 à Lübeck, en Belgique, est un homme politique nationaliste flamand, membre de la NVA, secrétaire d'État à l'asile et aux migrations, responsable de la simplification administrative. C'est marrant comme mot, hein, simplification administrative avec un S majuscule. Je ne sais pas pourquoi, enfin, ça vaudrait la peine d'un peu comprendre, ça veut dire quoi cette simplification administrative, dans le gouvernement Michel depuis le 11 octobre 2014. Voilà, et alors ce qu'on peut apprendre comme ça, je vous dis sans faire de recherche, hein, tout simplement, eh bien on peut voir, par exemple, on peut y lire, par exemple, que 3 jours après avoir été nommé secrétaire d'État dans le gouvernement Michel le 11 octobre 2014, Theo Franken essuie les critiques de l'opposition pour avoir assisté quelques jours auparavant au 90e anniversaire du sympathisant nazi et collaborateur Bob Maas. Voilà. Cette polémique est alimentée par la résurgence de propos considérés comme racistes et homophobe, notamment par des députés de l'opposition. Et le 16 octobre, Theo Franken présente des excuses à la Chambre. Voilà, ça commence comme ça. Donc, ce n'est pas la première fois et pas la dernière, hein, parce qu'il y en a eu d'autres que ce secrétaire d'État fédéral à l'asile et la migration chargé de la simplification administrative fait parler de lui. Donc, ce bonhomme est vraiment un sympathisant nazi. C'est noté comme ça, c'est facile à voir. Donc, on se demande comment ça se fait que ce bonhomme se retrouve à cet endroit-là. Rhapsode, rhapsode, que racontent tes odes? Qu'est-ce que tu vantes l'exode des tiens? Rhapsode, rhapsode, t'écouter c'est commode quand tu changes de mode lydien. Tout de suite, le micro ouvert avec Abdul Azim, un être humain sans papier, implacablement sans droit en Belgique. Il dit « Autour de moi, je vois vraiment une population accueillante et aidante, mais c'est vraiment par rapport aux politiques. » Et il leur dit « Mettez-vous 2 secondes à notre place, s'il vous plaît. On ne vient pas ici par plaisir. » Et je remercie beaucoup Anouk Kotfen qui va traduire, qui a traduit super bien. Merci beaucoup Anouk. Je m'appelle Abdul Azim. Enchanté Abdul Azim. Oui. C'est Abdullah et puis Zim. Abdul Azim, ensemble, Abdul Azim. Okay. Ouais. Abdul Azim. Voilà, et on fait une rencontre aujourd'hui, on va avec une traductrice qui est là, qui s'appelle, est-ce que je donne ton oui, oui. Anouk Kotfen, bonjour Anouk. Bonjour, je ne suis pas traductrice, mais j'aide en tout cas, voilà. C'est pas mon boulot. Et moi j'avais envie de faire un micro ouvert avec Abdul Azim, parce que tu as envoyé via les réseaux sociaux, tu dis si je me trompe, hein, si c'est pas juste, hein. Mais en tout cas moi... J'ai vu via les réseaux sociaux un message de Sandrine qui disait en gros qu'elle avait honte de la Belgique parce que son ami Abdul n'avait toujours pas ses papiers. Ouais. Voilà. Et alors, après coup, on a pu voir ce message de ta part alors, hein, mais qui a été... Tu as été aidé de quelqu'un, j'imagine. Oui. De qui ? Ça n'a pas d'importance, hein, mais je veux dire, on voit que c'est bien, c'est écrit sans faute. Je m'appelle Abdul et j'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Mon père est la fille du régime des talibans en 2009. Elle a un petit peu des fautes. Pas trop. Attends, je vais le lire et tu me dis quand il y a quelque chose qui n'est pas correct. Okay. Comme ça, les gens, on part tous de la même, de la même chose. Donc, je m'appelle Abdul et j'ai 27 ans. Mon père a fui le régime des talibans en 2009. Non, ce n'était pas 2009, c'est 1998 qu'elle va... Ok, en 1998. Oui. Et a bénéficié du statut de réfugié aux Pays-Bas. Oui. Ma mère et mon petit frère ont pu le rejoindre par la suite, tandis que moi, je n'ai pu bénéficier du regroupement familial étant majeur. C'est nous, à 2009, on était en embassade néerlandais pour demander des visas pour aller réunir avec nos familles. J'ai pas tout compris là. En Hollande, oui, En Hollande, vous étiez tous réunis. Oui. En 2009, on était à Vivinto. India, mm-hmm. Because the embassy of Netherlands does not exist in Afghanistan, okay. So we went to India to the embassy of Netherlands in 2009, okay. To demand and apply for the visa. Mm-hmm. It was a reunification visa to get family members together. Okay. Donc en 2009, ils ont été, lui et toute sa famille, en Inde, au consulat de la Hollande pour demander un papier, les visas. En Inde, au consulat d'Inde. Parce que, en fait, non, en Inde, au consulat de Hollande. Mais c'est dingue. Qu'est-ce que tu dis, justement, ça n'existait pas encore le. La consulat des Néerlandes n'existe pas à Kaboul. Qu'est-ce qui n'existe pas? En fait, il n'y a pas de consulat de la Hollande chez eux à Kaboul. Okay. Ça n'existe pas. Donc, okay. Ils ont été en Inde pour aller trouver le consulat de Hollande pour demander le visa, pour être tous ensemble en Hollande. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir? Ma mère et mon petit frère ont pu le rejoindre par la suite, tandis que moi, je n'ai pu bénéficier du regroupement familial étant majeur. Oui, parce que c'était le moment où j'étais travaillé dans une compagnie de communication qui s'appelle Etisalat. C'était une compagnie arabienne. Mm-hmm. Et plus que ça, j'étais plus que 18 ans. Et ils ont dit que vous êtes capable de vivre... Soul à Kaboul. On va reprendre parce que moi je laisse le texte là parce que je comprends pas. Okay. Mais donc, t'es à Kaboul, oui, avec ta famille. Oui. Hein, tu me dis aussi Anouk. Hein. Donc, vous allez tous, toi et ta famille, en Inde, au consulat de Hollande, oui, demander un regroupement familial. Oui. Tu dis? Et un visa. Mais pour vivre où alors à ce moment-là? Pour faire la demande où en fait? À Hollande. Pour aller à Hollande et vivre avec mon père. D'accord. C'était le moment en 2009, c'est seulement mon père qui était à Hollande. D'accord. Seulement ton père? Oui. Ma mère et mon frère et mon soeur nous sommes été à Kaboul. Ok. Et puis, qu'est-ce qui se passe, en fait? Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu es ici, tu te retrouves ici, en Belgique, à Bruxelles? Où sont ta mère maintenant? Où sont ton frère, ta sœur? Mon frère et ma mère et mon frère, ils sont à Hollande maintenant. Ils ont rejoint ton papa, si je comprends bien? Oui, ils ont rejoint ma papa. Ils ont refusé ma demande pour prendre le visa parce que j'étais travail à mon pays. Tu travaillais à ce moment-là à Kaboul en communication. En communication. D'accord. Et après, en 2012, 18 décembre, j'ai fait le premier asile ici à Belgique. J'ai arrivé à Belgique et j'ai demandé asile. Dans 10 mois, ils ont refusé mon dossier. Parce que je suis de Kaboul, le commissariat croit que Kaboul elle était sûre, elle ne sait pas dangereux la même des autres provinces qui sont à Afghanistan. Et selon de faire des petites phrases parce que sinon je m'y perds. Donc toi t'arrives ici à Bruxelles, oui, et comment t'arrives? Tu voyages comment? En avion? Je marche, ça dépend, ou avion et avec marché. Et on a comme ça passé traversé des frontières. Okay. Oui. Mais si t'as pas de papier, comment tu fais pour prendre l'avion du coup? Dernière fois quand j'étais à Grèce. Grèce? C'est où? En Grèce? Oui, Grèce. Ouais. J'ai retrouvé une carte d'identité. C'était d'autre pays, c'est de Roumanie ou d'un autre pays. Avec ce document, je départ au Grèce et j'ai arrivé à France. Et à France, après ça, il y a quelqu'un qui m'a ramené jusqu'ici à Bruxelles. Donc, si je comprends bien, avec des faux documents? Oui. Si j'ai bien compris, oui. Avec une fausse carte d'identité, quoi. Ok. T'as été en Grèce, et puis de la Grèce, avec des faux papiers, t'as pris l'avion jusqu'en France, oui, et puis après, là, en voiture, on t'a amené jusqu'en Belgique. À Belgique, oui. Ah, okay. Et après, quand j'ai fait la première demande d'asile, c'était 2012, 18 décembre. Et après ça, ils sont donné un centre, c'est un centre pour des réfugiés qui sont vivre là juste pour juste pour attendre des réponses du commissariat. Et dans 10 mois, après de m'en demander asile, j'ai reçu des réponses négatives par le commissariat. Elles sont écrites dans un point que vous êtes du Kaboul, et le Kaboul sont plus que ce n'est pas plus que dangereux des autres provinces. Et même elles sont dit si vous avez des problèmes à Kaboul, pour vous c'était plus que mieux pour aller en autre province dans l'Afghanistan et vivre là, si vous avez des problèmes à Kaboul. Traduction, en gros, tu dis que tu es allé dans un centre de réfugiés en arrivant ici. C'est un peu une prison, tu ne peux pas sortir. Il y a des fils barbelés, non? Non, c'était un centre ouvert, ce n'est pas un centre fermé. C'était à Dinan, ça s'appelle à Dinan, mais maintenant ils sont fermés. C'était un centre de Croix-Rouge. Okay. C'était un centre de Croix-Rouge. À Ivoire. Oui, à Ivoire. Mais il y a deux centres. Il y a un centre à Ivoire et il y a un autre centre à Dinan. Ok. Oui. Donc là, tu restes combien de temps? Je reste là 10 mois. Et là, tu attends la procédure pour avoir des papiers, quoi, oui, c'est ça? Oui, quand tu vas attendre, dans les premiers 5 mois, j'ai reçu des points négatifs par le commissariat. Et après de ça, mon avocate, elle va faire des demandes à recours. C'est-à-dire recours, c'est une justice pour les étrangers après que vous avez reçu des réponses négatives par le commissariat. Et dans un sac mois ou trop, ça fait terminer la procédure. Même j'ai reçu justice, même j'ai reçu des réponses négatives. Et après, elles sont médicales, que vous n'avez pas de droit pour rester dans le centre. Je m'en fous que vous avez allé où, mais nous, c'est vous part à d'ici. C'est incroyable. Moi, je traduis toujours parce que sinon, on ne comprend pas. Parce que c'est sûr qu'on te comprend, mais il faut quand même se mettre dedans, quoi. Donc, tu es dans un centre de réfugiés à Dinan et après X temps, je ne sais pas combien de temps, ils te disent... Dis-moi. Oui, mais en voyant que la procédure, qu'il n'a pas ses papiers et tout ça, ben, à un moment donné, ils te disent, allez, maintenant, va-t'en. Ils ont reçu des fax, they received fax from the justice which was mentioned and which was the procedure after commissariat. Mm-hmm. And the point or the answer was negative mm-hmm. also. So after they told me that you don't have any rights to rest here in the center, and we don't care where you will go, but you have to go out of the center. Okay. Ben donc en fait, il m'explique que le centre où il était à Dinan a reçu des fax de la justice en disant que monsieur n'avait pas droit à recevoir des papiers d'identité. Que donc après le centre lui a dit, on s'en fout de où tu vas et qu'est-ce que tu vas faire après, mais tu dois partir. Et pourquoi il n'avait pas le droit? Pourquoi il n'a pas le droit d'avoir des papiers d'identité? Pourquoi? Parce que comme il explique, en fait, ils disent que la justice justifie en disant que à Kaboul, en fait, il y a, selon eux, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit en Belgique. And if we see the all incident what happened inside Afghanistan, mm-hmm. if we make each record of 1 year, mm-hmm. so we can view and know better that than every other provinces in Afghanistan, Kabul is much dangerous mm-hmm. because there are the non-civil organization, much of the Ministry of the Afghanistan there, and above that, there are the military troops who are main base or main camps are in Kabul. In Kabul. Yeah. Donc il me dit lui que pour y avoir évidemment vécu, que il y a plein de militaires, il y a des ONG là-bas, il y a plein de facteurs qui prouvent bien que ça va pas du tout là-bas et que c'est pas vivable. Abdoul, et tu vas bien traduire pour qu'ils comprennent bien. J'ai réfléchi à ça, et depuis longtemps c'est comme ça, mais il n'y a pas besoin de justifier qu'il y a un problème dans ton pays pour pouvoir circuler librement partout ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends? She says that she was thinking that there is no big deal to circulate everywhere if you want to have papers to enter in a country, that it's supposed to be normal that everyone should go everywhere. And yeah, and she's wondering why we need papers to go somewhere. Pour moi, tu es libre d'avoir des papiers pour circuler librement et faire ta vie, tu vois. Il n'y a pas besoin de dire tel pays à la guerre, tel pays à pas la guerre. Et en sachant que l'Afghanistan, c'est compliqué, comme tu dis, de toute façon. Because I expressed to talk about that because here the commissariat, they have different articles recorded to a person who comes from Kabul. And from the other provinces in Afghanistan. For the other provinces, they have like two type of answers, uh-huh. which is called, which they give a statut refugee and protection subsidiaire. Mm-hmm. So much of the people who come from the other provinces and they are, they think the that... Other from Afghanistan or other... The other Afghans from the other provinces. Okay. They have been just some of Kabul and some of the northern provinces, according to commissariat, they say it's more safe. Oh, okay. But for the people like me who comes from Kabul, mm-hmm. they have left us only with one chance, and that is to have the statut refugee, mm-hmm. because according to their I can say refreshment, they say that there's no need of giving a subsidiaire protection for the people who came from Kabul. Okay. Yeah. Donc, il m'explique qu'en fait, le commissariat a des articles de loi bien spécifiques pour Kaboul et pour les régions du nord de l'Afghanistan. Mais il me dit que les gens qui viennent d'autres régions de l'Afghanistan, eux, ils ont droit à un statut de réfugié et que lui, il n'a pas eu droit à ce statut de réfugié parce que, soi-disant, c'est une région plus sûre que les autres. Donc, en gros, c'est retourne dans ton pays, ne nous fais pas chier ici, quoi. Quand j'ai reçu des réponses négatives sur la poste, elles sont écrites là, avec, il y a même un paquet de retourner volontairement à Kaboul. Ah ouais. Oui. Et ça te fait quoi de chaque fois ça fait combien de fois que tu fais la demande et que c'est refusé? Combien de fois? Dans sa... Plus que 4 ans que je suis à Belgique, c'était 5 fois que j'ai fait demander asile. Et donc, c'était 5 fois, tout le temps, j'ai reçu la même réponse. Ouais. Oui. Et ça te fait quoi de chaque fois voir que c'est négatif? With that answer, it's complicated to answer. But every time when you receive an answer from commissariat, which is negative, it gives you a little. It gives you stress, and you lose your hope to not continue to make another asylum or to fight back. I can say. Il dit que c'est très difficile de répondre à la question, mais que à chaque fois que tu reçois le papier avec les réponses négatives, tu perds espoir de te dire je vais encore demander, et puis c'est fatigant, quoi. Mais donc on a bien compris que ta sœur, ta mère et ton frère. Et ton père sont en Hollande. Yes, they are living in Holland. My father has been there since 1989, and my other family members like my mom and my sister, my brother, they have been installed there since 2009. Yes, so my all family members are living in Holland. And the main reason that I have already told to commissariat that my family members are living in Holland. Mm-hmm. I have already told them. Mm-hmm. So sometimes I feel guilty that if I was going to tell that I was going to lie that my families are not living in Afghanistan, mm-hmm. and they are in problems and they are away from the Kabul or they are in Pakistan or somewhere. So it could help me. The lie could help me to have a but paper. Should I say or not? Yes, yeah. I was believing to say my truth, but some of the truths damages somewhere, somehow. Donc il me dit qu'en fait, quand il devait justifier sur les papiers pourquoi il était en Belgique, il me dit que parfois il hésitait à mentir et dire en fait mes parents et mes familles sont en Afghanistan, ils ont des problèmes, il faut que j'aille de l'argent pour les aider et tout ça. Mais pour finir, il a quand même dit qu'il pensait que ça pouvait aider de dire en fait mes parents sont... Ils sont tous réunis en Hollande sauf moi quoi. Et ils veulent quand même rien savoir. Mm-hmm. Oui, tu pensais faire marcher la carte regroupement familial. Oui. And when I arrived here, I was 10 months on the way before arriving Belgium. Mm-hmm. I stay in Greece for 10 months. And when I arrive here, I do as because I was trying my best to get to go to Holland. Mm-hmm. And to demand an asyl there and to be with my family. But when the guy dropped me here, so that time I was unknown about the city, and they told me that here, this is this place where I'm letting you right now is a part of Holland. Oh. But laterly, when I go to the train station, and I see the banners and everything, then I know so that lied, I'm he lied, to you. He lied to me, and I was so much tired also of passing every country and doing whatever. So that time I choose myself to make a demand asyl here in Belgium. Il dit qu'en fait le gars qu'il a pris de en France, non, d'abord il m'a dit qu'il était resté 10 ans en Grèce. 10 mois, pardon. Et ensuite, le gars qu'il a pris de France pour remonter en Belgique, en fait, il lui a dit qu'il allait l'amener en Hollande. Il est arrivé en Belgique, il a dit « En fait, c'est ici la Hollande, je te laisse là ». Et il disait que lui, il me dit qu'il était tellement fatigué, qu'il en avait tellement marre. Il a très bien compris qu'il n'était pas en Hollande, mais il s'est dit « Bon, moi, j'en ai marre, je fais ma demande d'asile ici ». Mais donc, le plan de base, c'était de retourner en Hollande, rejoindre c'est sa famille. Mais Abdulazim, j'ai envie de dire Abdulaziz, mais c'est Abdulazim. Si vous voulez, vous avez dit juste Abdul, c'est bon. Ouais. Abdul, pourquoi tu ne vas pas en Hollande quand même, même sans tes papiers? Pourquoi tu ne vas pas? Right now, he's saying that why I don't go to Netherlands, to Holland. Yeah. The main problem right now, it's because I have done my asyl here. Mm-hmm. So in the procedure, they have a Dublin law that if I go to Netherlands and I give my fingerprint there, so according to the law of Dublin, they will find my fingerprint that I have demand asyl here. Mm-hmm. And it's possibly like 80% of persons that they could return me or they could hire me back to Belgium. So you are kind of stuck. Yes, as soon as you get the procedures, you're stuck because you can't go everywhere. I cannot go. En fait, il me dit que le problème principal maintenant de pouvoir aller en Hollande, c'est qu'en fait, ils ont un dossier sur lui et que donc à partir du moment où il n'est plus en Belgique et qu'on le contrôlerait, par exemple, en Hollande, il doit donner son empreinte digitale et qu'on peut le retrouver en 10 minutes et qu'on lui dirait direct tu reviens en Belgique. Donc ou à Kaboul. Ou à Kaboul. Non. T'as pas peur qu'on t'attrape et qu'on te renvoie dans ton pays? She said, if you are scared that we bring you and then we just give it to you to Kabul, come back. I don't have any idea, but according to Dublin law, because I will have my fingerprint here, so they will find me, and they're responsible to drop me back here in Belgium. They cannot send me back to Afghanistan because my file here is here, and my asylum seeking procedure even it's finished, but I have done an asylum here. Asylum, what is it? Demander asile. Ah, ok. Il dit que c'est pas possible parce que il a fait son dossier ici, donc là il est ici pour le moment. Donc je comprends pas très bien parce qu'en même temps il peut pas être ici, mais on peut pas le renvoyer à Kaboul non plus. Donc. Il peut être demande. Oui, I don't really understand because you're not supposed to be in Belgium, but we can't let you in Kaboul. So you're in the middle of... Yeah, I'm in the middle right now because when I receive the negative point, it's written there that you have to let the territory of Belgium. Yeah. if I will go to any other country, even to Holland, where my family is. So when I will give my print digital, my fingerprint in a digital record, they can find me that I have done my asylum in Belgium. Yeah. And they will... And they will tell me that it's Belgium who is responsible of you, and they will return me back to the government of. That's kind of nonsense. It's kind of nonsense. Yeah, yeah. It's like it's more than 70% possible that my fingerprint will come out, and they will. There is only 20 or 30% of possibilities that if I will be let there to stay because my family members are there, or if. But it's in a case of after when they will take the decision to return me, so they will return me. If they will tell me no, you can stay there, then I have the right to make an asylum seeking there after the decision but of when, the. When you will have the decision. Yes, when I will. When. It's nobody knows. Nobody knows that. Okay, nobody okay. knows. Donc j'essaie de me réfléchir. Donc il me dit que en fait c'est un peu. Ça quoi tu dois réfléchir. Le début de ce qu'il m'a dit pour pas oublier. Qu'il y a pas de. En fait c'est un peu un non-sens dans le sens où on lui dit. Donc il fait une demande d'asile et la Belgique lui dit vous pouvez pas être en Belgique. On vous accorde pas la demande d'asile. Vous devez rentrer chez vous. Mais en même temps on peut pas vraiment le renvoyer chez lui parce que. Non c'est pas ça qu'il m'a dit. C'est qu'il peut pas. Il n'est pas censé être en Belgique, donc il se dit « Ok, alors je pars de la Belgique, par exemple en Hollande, mais à partir du moment où il serait en Hollande, on lui dirait « Non, ton dossier de demande d'asile est en Belgique, donc tu dois te trouver en Belgique. » Et donc, en fait, il ne peut pas bouger. Mmh. Et il dit que tant que la décision du gouvernement n'est pas prise, mais il me dit « Je ne sais pas du tout quand cette décision sera prise, moi je ne bouge pas, je dois rester ici, et ils ne peuvent pas me renvoyer à Kaboul pour le moment. Mmh. » Parce qu'il n'y a pas de décision claire qui dit non, oui, c'est un peu en suspens quand même. Est-ce que, enfin en tout cas, moi, j'ai déjà entendu des histoires de plus en plus où on prend les gens et on les renvoie dans leur pays. Hein. Tu as compris? Non. Non. She says that she heard a lot of stories that people from refugee people from Belgium, they are brought back into their countries. It gives them a hole that they will find anything in your file, or especially like they know that you are from Kabul, so they find a good chance and a big hole to refuse your file and to tell you to return back to Afghanistan. But what she says is just like you're not fear about like some policeman or anyone just bring you in a plane and then go to Kabul at any days. It could be, for example, right now in these days, yeah. Like I am out of procedure. Yeah. So if unfortunately I'll be cut by the police. Yeah. So they will use any kind of their tools. Mm-hmm. To force me or to make me accept to return me back, which is impossible for me. And in this situation where right now Kabul or all Afghanistan is, it's very dangerous to return back. Il me dit que donc j'ai demandé s'il avait pas peur qu'on le prenne à n'importe quel moment et qu'on le mette dans un avion pour partir. Il me dit que si, mais à partir du moment où il se fait contrôler n'importe où et qu'on lui demande ses papiers. Il m'explique qu'ils essaient de le forcer à lui dire qu'il veut rentrer et tout ça pour pouvoir dire qu'il a dit pour qu'il rentre chez lui, mais qu'il a pas du tout envie de rentrer, que tout l'Afghanistan, ça, c'est très dangereux là-bas pour le moment. We have much kind of problems there, like from the extremist organizations right now, where Daesh is also increasing inside Afghanistan, and some of the inside problems like that we have inside society, it's really difficult for a person, especially like a guy who has been living here for a short long time, and to go back to Afghanistan. It's also it has made also the changes of the life, like you have been in here, the way you've been in a society, and to because people in Afghanistan, it's my people. I don't blame them, But it's really complicated to go, especially if I give you a big reason of that. Mm-hmm. In 2013, we were living in a church. Mm-hmm. That was a Catholic church in Dibroker. Uh-huh. So much of the people, only not me, yeah. The guys we were living there was more than 500 people. Yeah. But laterly, they got feared also from returning back to Afghanistan due to they were entered in a church, because much of the people's because we don't have the Christian religion in Afghanistan, and we have much people who have wild kind of thinking they that it can make to take any worse decision over a person. Il me dit qu'en fait, pourquoi il veut pas retourner chez lui, c'est parce que de un, donc c'est la guerre, qu'il dit qu'il y a plein d'organisations terroristes qui sont en train de grimper, il dit dont Daesh, et que il dit aussi le fait, il a peur de rentrer là-bas parce qu'il dit c'est mes gens, je viens de là-bas, je sais bien, mais après avoir vécu ici depuis tout ce temps, on n'a plus les mêmes codes, les mêmes. Il parle de la religion, qu'ils étaient accueillis à Dobroukir dans une église catholique. Avec 500 autres réfugiés, et qu'il y en avait même qui avaient peur d'être dans cette église parce qu'ils se disent « purée, mais moi je suis pas catholique, on va me tuer quoi, si je suis dans une église ». Mais ils ont, en même temps, ils n'ont pas le choix. Et donc, c'est pas les mêmes repères. Il dit que c'est difficile en fait d'être parti, et de, même si tu voulais rentrer chez toi, en fait, tu serais super mal accueilli parce que t'es venu voilà, en Europe ici. Mmh. Voilà. Abdoul, pour moi, tu dois pas justifier... Répète-le bien, tu ne dois pas justifier que le pays, ça ne va pas pour être ici. Hein. Redis bien ça. She says that it's really important that you're not obliged to justify that you are here. That if your country is okay, we are okay that you are here. It's not like he needs to say that it's the war in his country. You are free, you can... You are welcome here. Mais dis que je comprends bien qu'on est dans un système, un État, un gouvernement qui justifie évidemment les réfugiés. She understands very well that the system, the political system, needs reasons that you are here. Yes, yes. She understands the procedures. Et j'avais envie un peu de parler de toi, Abdoul, de ta vie. Donc, ça fait combien d'années que tu es ici à Bruxelles ? Ça fait 4 ans que je suis en Belgique. 4 ans avec chaque fois des refus négatifs pour avoir juste un papier, juste une carte d'identité qui te permet de vivre, quoi. Oui, c'est une chose qui est... It's a residence permit which cuts your, like your career to go ahead. For example, I have been working in a gold fabric. I'm a jeweler. Okay. So in Brussels? Not in Brussels, in my country. Oh, okay. So this not having a card of identity is stopping my way to not go ahead with my career. Mm-hmm. For example, if I can have the permit de résident, I will go to have any kind of courses, learn little language, mm-hmm. then have some other courses like applying, recording to the works that you prefer to do. So there are much of things that due to not having a paper, you're stuck mm-hmm. in the middle, yeah. and you cannot go ahead with your career to make a good future or to have a survival life here in Belgium. Mm-hmm. Il dit que en fait, avec quand il n'a pas ce bout de papier, il peut pas continuer sa carrière. Il me dit qu'en fait, il travaillait dans une bijouterie avec des à Kaboul. Oui, à Kaboul. Yes. That you were. Et que il dit il est coincé parce que lui, il aimerait bien prendre des cours de langue, apprendre des trucs, faire une vie ici en Belgique, mais sans ce papier, il est vraiment coincé quoi. Il est accepté nulle part et il voudrait trouver du boulot, mais peut pas évidemment. Donc, c'est horrible. C'est vraiment. Dis que c'est horrible. She says that it's really horrible. Non, mais ça, on se rend pas compte, quoi, parce que et en plus, si for jamais. Yeah, we don't really imagine your life. Yes, because yes. we read a lot of papers in newspapers, in television. We heard a lot of stories, but we're not really in your daily life. Like we don't really imagine what's going on. So it's really hard here the life when you're stuck in the middle and you cannot even take a decision which makes you because of having nothing you cannot walk ahead and it gives you and sometimes it breaks you and but still you have to repair yourself and be ready for any kind of incident or I say or any kind of hobbies or choices that you want to take. Il dit que en effet oui c'est horrible de vivre dans cette situation là et que il dit que sans papier il est un peu en fait il est en survie quoi. Il vit pas, il survit en Belgique. Qu'il peut rien faire, même un hobby, ou dès qu'il veut faire un choix, il sait pas faire de choix, parce qu'en fait, il a pas le choix. Donc, voilà. Bah justement, qu'est-ce que tu fais de ta vie, alors, Abdul, sans papier, comment tu vis? Right now, because we were from the same... we are from the same people who are living in the church, yeah. So we have still some of the Belgian citizens who are really kind and good people. Mm-hmm. So we are living right now in a building in Forêt, which was a library, okay. which was a former library before, mm-hmm. and the under the commune of Forêt, we have been. Provided that place to live, mm-hmm. and except that, like daily life, we have nothing. Just to go, I have, for example, 3 days of French classes to go to okay. attend, and to. It's free, of course. It's not free where I go, but it's not too much expensive. Okay. Also, I pay like 10 euros. It's for 3 months, I can okay, say. Okay. So it's a school under the association of ACBL. Okay. So they help with the guys, even they are the people without paper. Mm-hmm. So with school, mm-hmm. and nothing like more special. Yes, little sport, just to have a little exercise. That's the daily life that I have right now. Nothing okay. more than that. Okay. Yeah. Il dit que son quotidien maintenant c'est 3 fois par semaine. Il a des cours de français. Donc je lui demandais s'il devait payer. Il me dit oui, mais donc c'est 10 euros pour 3 mois. Et que là, ils sont logés à Forêt. Donc tous les anciens qui étaient dans cette fameuse église à De Broeker, ils sont dans un logement qui était une ancienne librairie à Forêt, où il y a des gens de Bruxelles, des Belges, oui, qui vous aident, oui, qui oui. aident. Et là, c'est logement. Et il me dit aussi que... Bah, donc il y a ses cours de français et il fait un peu de sport dans la librairie, quoi, pour s'occuper. Mm. Mais il dit, basiquement, c'est ça mes journées. And in the building, it's not... Only me who is living. We are 8 persons from the same members without papers who are living in the church. Oh, okay. And we all have the same situation right okay. now. The guys who are living in the building, they have like somehow the same situation as okay, my life. Okay. Il dit que en fait ils sont 8 de l'ancienne église de Broeker. Il dit que c'est 8 personnes qui sont quasiment dans la même situation que lui dans la librairie. Est-ce que tu verrais, toi, une question à poser, Doud? Je me demandais aussi comment le monsieur qui t'a pris en voiture de France à ici, tu as dû le payer pour le voyage? Oui, yes, I pay him like 340 euros from aéroport de Saint-Gilles ou quoi, c'est un nom de Paris, c'est son Orly? Non, Saint-Jolis, c'est un aéroport de Paris. Okay. Elle m'a ramené à partir de l'aéroport jusqu'à Bruxelles. Okay. Ouais. Donc en gros, de Paris à Bruxelles, il a payé 340 euros, 2 heures de les 3 heures de voiture, quoi. Et j'imagine que ta famille, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, t'es en lien avec eux, j'imagine. T'as compris? Non. Non. She asked you if you are in contact with your family members right now. Yes, I am in contact with them like every 2-3 days before, but like a situation that I have here, because my I want to say like openly, my dad is handicapped. He's have his hand, but he cannot work with his he cannot physically move his hand. Okay. My mom have diabetes and cholesterol. Okay. My sister is married already, so with they are Holland guy. No, oh. it's an Afghan family. But yes, now they are like citizen of Netherlands. Yeah. But they are like my situation. Sometimes I don't pass over to them because they have their seniors and they have like they're gonna have some kind of stress inside them and they're already sick. So I sometimes I don't express them the way I'm living here. Okay. I can say. Il me dit qu'en fait ses parents donc eux qui ont été acceptés en Hollande ont des papiers donc ils sont citoyens et que son papa est handicapé, il peut pas travailler avec sa main. Sa maman a du diabète et cholestérol et sa sœur est mariée à un Afghan. Et il me dit qu'il leur dit pas trop comment il vit ici, les problèmes qu'il a, parce qu'il dit qu'ils sont déjà assez dans le stress et qu'il a pas envie de rajouter lui une couche dans le tas, quoi. Donc voilà, apparemment il a pas l'air de trop expliquer sa situation ici. Voilà. En tout cas, ses parents comprennent qu'il a pas de papier, donc j'imagine tes parents savent que t'as pas de carte d'identité. Yes, whenever I'm in a contact with them, like during in a week. Mm-hmm. So during in a week, if I'm in contact with them three times, mm-hmm. Among the three times called, the two times they always ask me about what happened about your procedure, mm-hmm. how much more time it will take, mm-hmm. do you have the answer still right now? And some of the things they don't understand, they ask me, do you work somewhere or no? Yeah, yeah, yeah. These things. So I just find a tools to express them and to tell them something which they will not be feel like stress under it, mm-hmm. and to keep them happy, I can say just I told them everything. S'il est en contact avec sa famille deux ou trois fois sur la semaine, par exemple, il dit qu'à chaque fois qu'ils appellent, ils demandent « ça en est où tes papiers ? Tu travailles où ?» nanana. Et lui, il dit « je leur dis pas tout, je dis pas tout pour pas les stresser, mais voilà, ils demandent tout le temps combien de temps il reste. Ils demandent tout le temps, quoi. » Abdoul, t'es jeune, 27 ans, c'est pas vieux, hein ? T'as compris ? Ok. Oui, 27 ans, c'est pas vieux, donc t'es un peu comme t'es un peu comme dans une cage. Voilà, tu t'attends, quoi. T'attends de pouvoir vivre comme tu as envie, quoi. C'est un peu ça que ça donne. Tu vis pas vraiment. Mais d'ailleurs, tu vis avec quoi ? Avec quel argent ? Comment ça se passe ? J'imagine que t'es dans un centre ou. Right now, I want to tell a little story of myself. When I was like 10 years old, I've been active through working. Like my father was not there, so we were having financial problems in Afghanistan from the time where we were living. So I was going to my school also, and I was also working to survive. So it make like sense here. We are, I can say, as a refugee, as a person, mm-hmm. we are capable of every kind of doing work, mm-hmm. and because here when I see around, much of the peoples are facilitating themselves with the instruments or with the facilities they have. But we have working hard in our country. Like we don't have much facilities, mm-hmm. and we don't have much latest or machineries to work without. I can just say that we are strongly capable for everything, but we are nothing. We are having nothing in hand to go over it. Mm. Il me dit que donc il veut raconter une histoire quand il était petit. quand il avait 10 ans, son papa était déjà pas là, à la maison. Et donc, il disait qu'il allait à l'école et qu'il travaillait en plus parce que ils avaient des problèmes d'argent quand ils étaient petits, déjà en Afghanistan. Ici, Abdoul, il allait à l'école. Il allait à l'école. Tu parles de quelqu'un d'autre. Non, d'Abdoul. Il avait 10 ans et il allait à l'école, plus il travaillait pour aider sa famille. Et il dit que là-bas, forcément, ils n'ont pas toutes les technologies et tous les outils que nous, on a pour travailler comme on travaille ici. Et il dit que... Il dit, je suis tout à fait capable de travailler, moi j'attends que ça, mais voilà, je peux rien faire, mais il attend que ça, quoi. Il dit, je suis tout à fait capable de faire tout, seulement on te propose pas, on te propose rien. And right now we are not allowed to work. If you're gonna be work, it's gonna be more risky to be cut on a control and to make a police file and to put you in a closed center. And of course, as a reason, they have to give give negative, so they will have another good reason to return you back to your country. Il dit que même s'il avait envie de travailler pour avoir de l'argent, donc on présume en noir, il dit j'ai pas envie parce que c'est encore plus de risques, et si je me fais prendre, ils ont encore plus de raisons de me dire soit de l'envoyer dans un centre fermé, comme il dit, soit de rajouter des points en disant tu rentres chez toi. Et j'ai encore une question. Il y a eu... Donc, toi, t'es ici, si je comprends bien, depuis 2012. Depuis 2012, on est en 2017 maintenant. Il y a eu... il y a une crise des réfugiés qui est là depuis longtemps. Seulement, c'est depuis 2015, vraiment, que ça a explosé l'année dernière et l'année d'avant aussi. Ça y est, on en parle, l'Europe, les médias en parlent. On voit tous ces gens qui prennent des bateaux, etc. Donc, qu'est-ce que ça te fait, toi, en plus, qui étais déjà là, dans le pays, où tu vois de plus en plus des réfugiés qui arrivent? Tu penses quoi de ça, en fait? Tu te dis, est-ce que tu vas pouvoir bien traduire, Anouk, hein? Qu'est-ce que tu te dis, ça, merde, d'autres réfugiés? It is about the crisis of refugees that you've been already before the crisis. Et c'est quoi ta pensée par rapport à ça, quoi, genre? Well, it's a very globally thinking to have, of course, but as a refugee who flew their country, I can only say that nobody leaves their country, their culture, if there is no problem. Because coming here, passing the trouble areas, or I can say the border, is more much than to die. Yeah, but they accept to pass or to arrive to any other country, but they don't accept to be in a country where it's always there's war. People are normally going to their normal life in the morning to school, and they have explosions, and they lose their loved ones or their family members. So I can say that nobody lives their country if they don't have problem. Okay. And if there could be no problem, so one will flew their country, two will flew their country, 100 or 1,000 will flew their country. A big mass of population coming to Europe or fleeing their countries. It's not for pleasure. It's not for pleasure. It's for the problems in a cost of their life. It is. So as a refugee, I can say to the any other country in European countries where they accept asylum seeking, I want to pass a message to them that nobody comes here with the pleasure. They have their own problems in their village or in their city or in their country. So I want them just to have, just to think the same and imagine and put themselves instead of those people who flew their country. So it's a message for Belgian or European population. For European, I can say the population is okay because I see much good people in the society, in the around the society. I can say the main cost or the main point which goes is to the government. Yeah. To the politics they have present in their country. So my message is for every European government to imagine the problems and the way that they face and they arrive here, and have little like to refresh themselves and put themselves instead of those refugees who are coming who are coming. Il me dit que donc sa pensée est plutôt globale et que en gros pour résumer c'est que il dit on vient pas ici par plaisir de venir chez vous vous dire coucou, c'est que on n'est pas un, on n'est pas deux, on n'est pas trois petites personnes à venir, on est des centaines de milliers de gens à bouger de chez nous. Il dit c'est pas du tout par plaisir, c'est parce qu'on a des réels problèmes chez nous. Et que on risque, il dit, en passant les frontières, on risque plus que notre vie de partir. Donc, c'est qu'il y a vraiment des raisons qu'on quitte notre pays. Il dit, c'est pas une vie d'être à l'école, d'entendre des bombes tomber, de perdre son amoureux, son amoureuse, sa famille, ses frères, ses sœurs. Et donc, il dit, j'ai envie de passer un message au gouvernement politique européen, parce que je disais, ton message, c'est pour nous, les gens qui vivent en Belgique. Il me dit « Oui, mais non, parce qu'autour de moi, je vois vraiment une population qui est, il dit, accueillante et aidante, mais c'est vraiment par rapport aux politiques. » Et il leur dit « Mettez-vous deux secondes à notre place, s'il vous plaît. On ne vient pas ici par plaisir, quoi. » Voilà. On ne vient pas ici par plaisir, en tout cas, le climat tropical. Il dit « On a le même ciel qu'ici, chez nous. » On a le même ciel. C'est le même monde, quoi. C'est la même planète. Ouais, Kaboul est plus joli, non? Kaboul est... Le ciel est plus joli à Kaboul, non? It's hotter. It's hotter. Yeah, c'est plus chaud. It's very, like, natural beauty place to... If anybody could be able to invite there. Yeah, yeah. So if, according to the government that they have here and telling about that Kaboul is more secure, so for the... For the Belgian government, I have a message. If any political member of those can go for a vacation and at least I don't want them to be harmed, but to see in a real what the problems and what the situations are there. Il dit que il invite les gouvernements, enfin les politiques qui lui disent non. Pour rester ici, à aller passer des petites vacances à Kaboul. Il dit, je veux pas qu'il soit blessé, mais juste pour qu'il se rende compte de c'est quoi la vie là-bas de tous les jours. T'as revu ta famille depuis 2012 ou tu les as déjà revus? Only one time during this 4 years that I'm here, because even in a procedure, I'm not allowed to go there till the time I will have my response. But they have invited one. They have come here and visited me. Eux, ils peuvent bouger. Oui. They have been here one time only to visit me. Yeah. Il dit qu'en 4 ans, il y a une fois où il a vu sa famille, juste une fois, et eux sont venus ici pour lui dire bonjour. De Hollande, from Holland. Abdul. Abdulazim. T'as tout quitté, en fait, tu te retrouves ici, bon, avec des nouveaux amis, mais en gros, ben, tu connais pas grand monde, quoi. You don't really know some people here from Belgium or from... She says that you left everything from Afghanistan, your friends, families and stuff, and you arrived here and you knows nothing and nobody. Yes, I've been like from the people that I know in my country. I left everything. I can say my job, my career that I had, because after working in a gold fabric, I was working in a oxygen plant factory. Okay. So I was having a good job. Yeah. I was having a good career, but the situation comes like it was not suitable and acceptable for me to live there, and my family. They knew about the situation that I was having, so they told me that don't stay in Kabul. It's not you should just leave Kabul and come to us or wherever you can get near to us. Yeah. That will be better. Avant donc de travailler dans une fabrique d'or, il travaillait dans une industrie de plantes. Après de travailler dans une fabrique. C'est une industrie de. C'est qui introduisait des plantes oxygènes. Des plantes oxygènes. Oui. Ah ok. Et donc, il me disait qu'il avait vraiment un bon, une bonne carrière là-bas en Afghanistan qui se lançait, mais que sa famille n'arrêtait pas de lui dire « Tu ne devrais pas rester ici, viens chez nous, viens chez nous. » Mais donc, ma question, c'est, en fait, ton papa, il était déjà en Hollande bien avant. Oui, oui, bien avant. Mais pourquoi, en fait, il est parti, lui why he left like just alone to go to Holland before all of your family? Before me, it was in 1998, my father was working in he was a business, open businessman of antique craft. Okay. And that time it was this the third year of the regime of Taliban's in Kabul, yeah. And something like a statue and like antiques, these mm-hmm. kind of stuff. It was forbidden and it was not allowed to do a business with that. Okay. And my dad was also hated by the by the Taliban where the shop he was having. Yeah. And due to that time, till now, my father's hand is not working well. Yeah, his hand is given from one hand. Il me dit que donc je demande pourquoi son papa est parti avant toute sa famille en Hollande. Il me dit qu'en fait son papa travaillait, était businessman dans les mobiliers antiques, et que en fait il s'est fait attaquer par les talibans, d'où il est devenu handicapé depuis lors. Et donc lui, il est parti parce que c'était interdit d'avoir des statues, de l'art et tout ça. Donc il est parti. Le père. Le papa. Et il a laissé sa femme et ses enfants alors. And he left you with your mother, sisters and brother. I don't remember that day because it's like more than 17 years before. Okay. But the where main I was 10 years or maybe like this. But the really what I refreshed to myself to say, yeah. That day when he was beaten by the Taliban's and he was taken by the Taliban's, and laterly he was released, but he didn't come to home, yeah, and he told us to come to a friend's house, and we go there, and from there we directly go to Pakistan. Okay. Et en fait, il explique que donc à partir du moment où il s'est fait attaquer par les talibans, le papa, il n'est pas rentré chez lui après à la maison, il a été se cacher chez un ami, et de là il a appelé sa famille, donc ils sont donc Abdul, sa sœur, son frère et sa maman sont venus le rejoindre. Et puis après, ils sont tous partis au Pakistan. Donc, ils sont jamais... Et il dit, je me souviens pas très bien de ce jour-là parce que j'avais 10 ans et c'est pas très frais dans ma mémoire. Les mots de la fin, Abdul. The endings, words, if you want to say something special to the... A special nothing I have to say, but... the only way that I have to, here is to stay here, to continue, and going back Afghanistan for a refugee or for a people like me whose country is in a war zone. For me, going back Afghanistan is like is a closed gate. I can say, so and you I can. Don't want to. I don't. I never. With this situation where never. My country, I would never. I will never go return back to okay. Afghanistan. Il dit qu'il n'a pas spécialement un truc précis à dire, mais qu'il dit, voilà, je ne retournerai jamais en Afghanistan si la situation ne s'améliore pas, parce que c'est comme une porte fermée. Que... Il dit, je préfère continuer ma vie ici, créer quelque chose ici, donc il est décidé à rester en Belgique. Enfin, Même sans carte d'identité. Even without your even, papers. Even if I will not have residence, but it's better because at least I'm here more safe than being in Afghanistan. Il dit, même sans papier, je suis plus en sécurité ici qu'en Afghanistan. Okay. Bah, c'est comme s'il était un humain sans droit, quoi. Voilà. That you are a human without... Without rights. Yeah. Yes, it's exactly like that. Yeah. Il dit, c'est exactement ça. Bon, ben, Abdul, je suis avec toi. On est je sais que ça veut rien dire, mais quand même, c'est important qu'il y ait des gens avec toi. Hein. Please, il y a des gens autour de toi qui t'aident, quoi. I have guys who are living with me in the same situation, in the same building. Yeah. So we much are cooperated by each other. And we are the reason of giving courage to each other because I know we are like 8 people, so we are a little busy, and like our minds are out of the stress that we have. But sometimes it thinks that if you will be alone and you have nobody else to express yourself, to share something with them, so it gives more problems to you to keep everything in it inside of you. So it gives more tension, I can say. Il dit que avec les 8 autres personnes là où ils vivent tous ensemble dans la bibliothèque, que c'est qu'ils s'encouragent entre eux, que s'ils ont envie de parler d'un truc, ils s'en parlent entre eux et qu'ils se soutiennent, en fait. Il dit que c'est plus sympa d'avoir des gens comme ça que d'être tout seul, de jamais parler, de pas pouvoir s'exprimer. Donc il dit, voilà, dans le peu de chance qu'il a, bah, il est quand même tombé avec des gens sympas avec qui il peut partager des trucs.